السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, مرحبا بكم en cette soirée du mercredi 16 Jumada al-Ula 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 21 mai 2008. Nous sommes toujours dans l'Aqida al-Wasitiya dans le 10e cours du 2e tome, tome 2, cours numéro 10, inshallah ta'ala. La fois passée, le dernier hadith où on s'était arrêté, c'est, attendez, je vais juste jeter un coup d'œil où est-ce qu'on s'est arrêté. Si quelqu'un se rappelle, qu'il n'écrive. Non, le dernier attribut où on s'était arrêté, inshallah ta'ala. Je cherche le livre. Naam, le dernier hadith où on s'était arrêté, où on avait parlé de la jambe d'Allah subhanahu wa ta'ala et du pied. Naam, on avait dit la sunnah al-jama'a, naam, atteste et affirme tout ce que Allah azza wa jalla a affirmé de lui et attesté. Naam, mais sans quoi? Sans faire ressembler, sans déformer et sans demander le comment et sans car personne ne connaît Allah Azza wa Jal comme il se connaît lui-même, et personne ne connaît le messager d'Allah, personne ne connaît Allah Azza wa Jal comme le messager d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal s'est décrit de certains attributs, ça veut dire qu'il se connaît mieux que lui, il se connaît mieux que nous. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمْ أَمِ اللَّهِ. Dites, est-ce que vous connaissez mieux Allah que lui-même? C'est impossible. Mais il ne faut pas tomber dans la faute, hein, de quoi? Ou bien de nier, comme font les Habèches et les Ash'arites, bien sûr, puisque les Habèches sont des Ash'arites, ils nient. Ils disent non, Allah Ta'ala n'a pas ceci, Allah Ta'ala n'a pas cela. Naam. Et il ne faut pas aussi déformer, dire d'accord, Allah Ta'ala descend, mais ce n'est pas lui, c'est un ange qui descend. D'accord, Allah Ta'ala a une main, mais ce n'est pas une main, c'est la puissance. Et comme ça, ça c'est quoi? Ça s'appelle la déformation. S'il était permis de déformer, donc chacun déformerait comme il voudrait lui. S'il dit c'est l'ange qui descend, n'importe quoi, je dis ce que je veux, car j'ai le droit de déformer. Comme toi tu dis l'ange, moi je dis c'est pas l'ange, c'est la puissance qui descend, c'est la miséricorde qui descend. Et comme ça, et comme tu déformes la main, tu dis c'est pas la main, c'est la puissance, alors moi aussi j'ai le droit de déformer. Je dis c'est la miséricorde, je dis n'importe quoi, ce que je veux. Comme tu as le droit de déformer, moi j'ai le droit aussi de déformer, sans délit, comme ça. Non, Et je disais que sans ressemblance, car comme il a dit dans le Coran, rien ne lui ressemble. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Et ce que vous devez à Sunna al-Jama'a, entre parenthèses, maintenant tout le monde se dit à Sunna al-Jama'a. Même les Habash, ils disent c'est nous à Sunna al-Jama'a, c'est pas les autres. Tablir disent c'est nous à Sunna al-Jama'a. Ikhwan disent c'est nous à Sunna al-Jama'a. Sophie disent c'est nous à Sunna al-Jama'a. Mais, qui est Sunna al-Jama'a? Sunna al-Jama'a, ce ne sont pas des prétentions. Dire, tout le monde peut dire. Moi, je peux dire que je suis le meilleur de vous, que je suis le meilleur du monde, et que ma foi est équivalente à la foi de Djibril et de Mikaël. Qui ne peut pas dire cela? Mais, pour savoir si je suis Sunna al-Jama'a, il faudrait que je voie est-ce que ma aqida est conforme à celle du messager d'Allah et à celle des compagnons. À celle de ceux qui ont suivi les compagnons bi ihsan. Car c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, lorsqu'il avait dit que cette nation allait se diviser en 73 sectes, il a dit, et il y a une seule secte qui va aller au paradis, firqa najiya, la secte sauvée, le groupe sauvé. C'est qui? Il a dit, sur ce que je suis moi et mes compagnons, sur ce que je suis moi et mes compagnons, من كان على مثل ما انا عليه واصحابي et mes compagnons. طيب, si vous allez voir la aqida des compagnons, ils sont tous unanimes. Jazakallahu khair, pas le problème. Ils sont tous unanimes pour dire que tout ce que Allah Ta'ala a s'est donné comme attribut, on ne doit pas les nier, ni les déformer, ni les nier, ni les déformer, ni faire la ressemblance, ni demander le comment. Allah Ta'ala a descendu le Coran pour nous guider, pas pour nous égarer. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, Allah Ta'ala veut yuridullah liyubayyina lakum, sourate An-Nisa. Donc Allah Ta'ala veut quoi? Veut nous éclairer. Il ne veut pas nous égarer. Car si, en se disant qu'il avait le pied, en se disant qu'il avait les mains, s'il voulait autre chose, ça aurait été de l'égarement. Pourquoi? Parce que moi, je m'égare. Moi, je dis, il a dit la main alors qu'il voulait autre chose. Donc, je suis égaré en disant qu'il a la main. Non. Quand il dit qu'il descendait, si ce n'est pas lui qui descendait, c'était autre chose. Donc, j'ai été égaré. Naam. Quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a les yeux, s'il voulait dire autre chose, c'était pas les yeux, donc je me suis égaré, il m'a égaré. Et comme ça, nous qu'est-ce qu'on dit? Ma'adallah, ma'adallah que Allah ta'ala égare avec son Coran, alors qu'il a descendu le Coran pour nous éclairer et nous éloigner de l'égarement. Naam. Donc aujourd'hui, bi'inna azza wa jal, on va parler des mains. On va parler des mains d'Allah Azzawajal et de la main d'Allah Azzawajal, et combien a-t-il de mains, et c'est quoi la main, et comme ça. Non. Donc, ce que je vais dire maintenant, bien sûr, ceux qui ont assisté au premier cours, eux connaissent très bien. Et c'est là-bas, c'est pas le premier cours, pardon, le premier tome. Ceux qui ont assisté le premier tome, c'est là-bas que Cheikh Islam, rahimahullah, a parlé des attributs détails. Mais là, ce sera, inshallah ta'ala, en même temps, une révision pour ceux qui ont assisté le premier tome, et ce sera une façon d'ancrer cette chose et ces choses dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est très très très important, ces choses-là. Naam. C'est tellement important que si naam, on dévie dans la aqida, car si on se trompe dans la salat, on se trompe dans la zakat, on se trompe dans le hajj, inna ghafurun rahim. Non. Sinon, c'est pas kafir, un égaré dans la aqida. C'est pour ça, vous, je dis et je redis, surtout vous qui vivez en Europe, non, vous avez La grande secte, naam, qui peut vous égarer, ce sont les Habesh. Ils sont là avec vous en France, à gauche, à droite, en face de toi, derrière toi. Ce sont tes grands ennemis dans la Aqida. Tes ennemis dans la Aqida, ce ne sont pas des juifs. Parce que le juif ne peut pas t'égarer. Dès que tu vois un juif, tu dis dans ton cœur, celui-là c'est un juif. Jamais tu pourras m'égarer, ni lui ni le chrétien. Mais le Habesh peut t'égarer. Pourquoi? Il va te parler avec quoi? Avec des versets et des hadiths. Naam. Et il va te dire, Nawawi a dit, X a dit, et toi tu n'as pas de science, tu vas dire, celui-là, il a raison. D'ailleurs, pourquoi aller loin? Pourquoi aller loin? Il y a seulement 2 jours, quelqu'un m'a écrit. Il y a seulement 2 jours, quelqu'un m'a écrit dans les mails. Il m'a dit, vous avez fait une mise en garde contre les Habesh. Il m'a dit, moi, alhamdoulillah, les Habesh, je suis allé les voir, j'ai trouvé que, alhamdoulillah, ils sont pas dans l'égarement. Ce sont eux qui sont dans le juste. Et il m'a demandé à moi de faire la tawba avant de mourir. Il m'a dit, faites la tawba avant de mourir. Taïb. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, si Allah Azzawajal a voulu t'égarer, je ne peux rien contre son décret. Et je lui ai cité le verset qui dit que, وَمَنْ يُضْلِ اللَّهِ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Et quiconque Allah Ta'ala égare, il n'a pas celui qui le guide. Naam. Alors lui aujourd'hui, il m'a répondu, ça m'a fait rire à l'étihad, il m'a répondu, il m'a dit, ce verset-là s'applique à vous, de faire tawbah avant de mourir dans le coffre, avant de mourir dans... Et il m'a dit autre chose qui m'a fait rire, il m'a dit, même mon père m'a mis en garde contre vous. Il m'a dit, attention, n'écoute pas les doses de celui-là. J'allais lui répondre pour lui dire, naam, ton père, toi tu suis ton père maintenant, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, si on leur dit suivez le suivez ce que Allah a fait descendre, ils disent on suit nos pères. Ensuite j'ai réfléchi, j'ai dit celui-là, moi des gens m'écrivent des fois, je reste 2 3 mois pour leur répondre, celui-là je lui réponds comme ça, je perds mon temps et je sais que celui-là il a le cœur scellé, il va pas revenir, il vaut mieux que je ne lui réponde plus. El-Mohim. Donc les Habesh, vous avez remarqué maintenant, ils ont beaucoup de dynamisme. Naam, ils ne savaient pas qu'il y avait les Salafiyas dans le paltok. Ils sont rentrés, ils nous ont découvert, ils ont dit comment se fait-il, on est en train de dormir. Ah, donc eux, ils ne dorment pas maintenant. Et nous qui sommes, Inch'Allah Ta'ala, sur le vrai, on dort. Non, c'est vos enfants d'être piqués par le virus parce qu'ils sont là avec vous en France et ils sont là en force. Ils sont en force parce qu'ils ont des centres. Ils ont des centres. Pourquoi ils ont des centres et nous, on n'en a pas? Non, ils ont des centres. Eux, ils sont aidés par les chiites. Et les chiites eux-mêmes qui sont aidés par les juifs. Non, pourquoi? Pour égarer les musulmans. Et que pour propager cette aqida, naam, qui est fausse et qui est déviée, ils la propagent en disant que c'est ça le vrai dîn. Naam, ce qu'ils propagent, c'est ça le vrai dîn. Et nous, on est dans l'égarement. Nous, qui, Inch'Allah Ta'ala, sommes les vrais salafis, nous sommes dans l'égarement. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler des mains d'Allah Azzawajal. Je donne toujours. Est-ce que vous m'entendez ou là vous m'entendez pas? Alhamdulillah. Je donne toujours la règle générale. Naam. La règle générale, apprenez-la. C'est une règle très simple et très très puissante. Très simple d'un côté et très très puissante. Aucun Habesh, aucun Ash'ari ne peut jamais triompher sur vous si vous connaissez la règle. La qui est très très simple. Laquelle? Naam. C'est d'attester tout ce que Allah Ta'ala a attesté sans ressemblance, sans déformation, sans négation, sans demander le comment. En fait, quand on a dit que Allah Ta'ala descendait, qu'il avait des yeux, les mains, qu'il venait, tout ça, c'est sans ressemblance. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, si tu dis qu'Allah Ta'ala a des mains, tu l'as ressemblé à des créatures et tu es devenu anthropomorphiste. Si tu dis qu'Allah descend, tu l'as fait ressembler aux créatures, tu es devenu anthropomorphiste. Si tu dis qu'Allah Ta'ala a les mains, malgré qu'Allah Ta'ala dit, il est devenu anthropomorphiste. Tu l'as fait ressembler aux créatures. Donc c'est suivre le raisonnement qui va suivre. Vous allez lui dire. Car vous savez que les Habèches, qui sont des Ash'arites de nature, disent qu'Allah Ta'ala a seulement sept attributs. Sept. Naam. Al-Hayat, al-Sam, al-Ilm, al-Qudra, al-Irada, al-Kalam. Sept seulement, sept, très connus. Alors vous allez leur dire, Tayyib, vous dites que quand on dit qu'Allah Ta'ala descend, ou bien à la main, ou bien à la jambe, ou bien à les yeux, ou bien il parle, vous dites que c'est de la ressemblance. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire ça. Ils vont dire, Naam, c'est de la ressemblance. Vous l'avez ressemblé aux créatures, il ne faut pas dire cela. Vous leur dites, d'accord. Allah Ta'ala, écoutez bien ce que je veux dire. Je l'ai dit 1000 fois et je le redis 5000 et 10 000 fois. Jusqu'à ce que vous l'appreniez par cœur et que vous l'appreniez à vos enfants par cœur. Taïb, je vais leur dire. Écoute-moi bien, toi, le Habashi. Allah Ta'ala vit, a une vie, existe ou là ne vit pas, n'a pas de vie. S'il dit Allah Ta'ala n'a pas de vie, il n'existe pas donc, tu lui dis tu es kafir. S'il me dit non, Allah Ta'ala a une vie, il existe, je lui dis tu es aussi kafir. Il me dit pourquoi? Je lui dis car en disant que Allah Ta'ala a une vie, tu l'as fait ressembler aux créatures. Et vous vous dites, si on fait ressembler Allah Ta'ala aux créatures, on est kafir. Toi, si tu dis que Allah Ta'ala n'a pas de vie, tu es kafir. Si tu dis il a une vie, tu es aussi kafir parce que tu l'as fait ressembler aux créatures. Parce que moi j'ai une vie, ma mère a une vie, mon voisin a une vie, la fourmi a une vie, l'escargot a une vie, la grenouille a une vie, le singe a une vie, tout cela vivent aussi. Donc toi en disant que Allah Ta'ala a une vie, tu l'as fait ressembler aux créatures, tu es devenu kafir. Voilà. Ensuite, on va, ils ont sept attributs, on va au deuxième attribut. On leur dit, alors s'il dit, il n'entend pas, on lui dit tu es kafir. S'il ne l'entend pas, tu es kafir. Donc je vais l'insulter, il ne va pas m'entendre. Il va dire, non, Allah Ta'ala entend. On lui dit, puisque tu as dit que Allah Ta'ala entend, tu es aussi kafir. Pourquoi? Parce que tu l'as fait ressembler aux créatures. Moi j'entends, mon père m'entend, entend, mon fils entend, mon voisin entend, la grenouille entend, le singe entend, le coq entend, la poule entend. Classe, tu l'as fait ressembler aux créatures. Tu es devenu kafir. Ensuite, on va avec lui à la troisième. Au troisième attribut. On lui dit Allah Ta'ala voit ou il ne voit pas. S'il dit Allah Ta'ala ne voit pas, on lui dit tu es devenu kafir. Car dans le Coran et la Sunna, c'est plein de versets du hadith que Allah Ta'ala entend. Et d'ailleurs, si, qu'est-ce que je parlais de l'entente ou bien de la vue? Je ne sais pas, Ibn Talblin, je suis à la vue ou à lui? Je parle de quoi maintenant? La vue. Je lui dis, est-ce que Allah Ta'ala voit ou ne voit pas? S'il dit Allah Ta'ala ne voit pas, je lui dis, tu es kafir. S'il ne voit pas, donc je fais ce que je veux, il ne me voit pas. Et le Coran et la Sunna sont pleins de versets de hadith. Maintenant, s'il dit, pardon, s'il dit, pardon, je me suis trompé, Allah Ta'ala voit. Ah, on lui dit, tu dis, il voit, tu es aussi kafir. Parce que tu l'as fait ressembler aux créatures. Moi, je vois, la fourmi voit, le singe voit, le gorille voit, la girafe voit, mon voisin voit, mon père voit, et tout le monde voit. Donc, tu l'as fait ressembler aux créatures. Tu es kafir. Et comme ça, on termine avec lui les sept attributs qu'il a, c'est-à-dire la volonté, la puissance. La vue, lui, l'existence et la façon de parler. Vous avez compris? De dire, je voulais, comme ça il va dire, je voulais dire qu'il ne ressemble pas à celle des créatures. On va lui dire, justement, c'est ce qu'on voulait de toi. Comme tu peux reconnaître et attester que Allah Ta'ala a des attributs, ici, entre parenthèses, les sept, les attributs, la voix, lui, l'existence, l'irada, la volonté, la puissance, les sept. Tu peux reconnaître que il a sept attributs qui ne ressemblent pas aux attributs des créatures. La même chose, tu dois dire pour tous les autres attributs. Tu dois dire, il a des mains qui ne ressemblent pas aux mains des créatures. Il a des yeux qui ne ressemblent pas aux créatures. Il a une descente qui ne ressemble pas aux créatures. Il a une venue, il va venir le jour du jugement dernier avec d'une façon qui ne ressemble pas aux créatures. Et comme ça. Si tu dis, il a un seul attribut, tu dois dire de tous les attributs, ça lui ressemble. Naam, il a des attributs qui lui ressemblent, qui lui conviennent, pardon, et qui ne ressemblent à aucune créature. Comme tu reconnais qu'il existe sans ressembler aux créatures, tu dois reconnaître qu'il a des mains qui ne ressemblent pas aux créatures. Comme tu reconnais qu'il entend d'une façon qui ne ressemble pas aux créatures, sans oreilles, sans tympan, etc., tu dois reconnaître aussi que il a des yeux qui ne ressemblent pas aux créatures. Comme tu reconnais, Naam, qu'il peut parler et qu'il parle sans ressembler aux créatures, sans avoir de bouche, de dents, de langue, la même chose, tu dois reconnaître qu'il descend sans ressembler aux créatures. Et comme ça, Inch'Allah ta'ala, il sera acculé, le Habashi, il ne pourra pas répondre. Naam. Ou bien tu reconnais tous les attributs, ou bien tu nies tous les attributs. Naam. Tayyib, Talibul ilm, est-ce que d'après toi c'est compris ou là c'est pas compris? Est-ce que c'est compris ou là c'est pas compris avant que je commence le dars? Est-ce que c'est compris ce que je veux dire ou là c'est pas compris? Selon. Alhamdulillah. Naam, mais les versets qui sont concordants. Quand il y a des versets qui sont concordants ou là, mêlez, Inch'Allah ta'ala. Azzawajal. Écoutez ce qu'a dit Allah Ta'ala dans le Coran. C'est dommage, j'ai oublié de traduire en français. Hein, j'ai oublié de traduire en français. Allah Ta'ala, en parlant au shaitan, il lui a dit, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. C'est un verset dans le Coran où Allah Ta'ala parle avec Iblis, le shaitan. Il lui dit, qui est-ce qui t'a empêché de faire la prosternation, de te prosterner à ce que j'ai créé avec mes deux mains? Comme ça, il a dit Yedeya, deux. Ce n'est pas Yedi, Nam, et ce n'est pas Eidi. Il ne parle pas d'une main, et il ne parle pas de pluriel. Il parle de Musenna, c'est-à-dire deux. Il parle au shaitan, il lui a dit, qui est-ce qui t'a empêché de te prosterner avec ce que j'ai créé avec mes mains, mes deux mains. Qu'est-ce qu'il a créé avec ses deux mains? Il a créé Adam. Non. Donc le verset est très clair. Pour Allah Ta'ala, a deux mains. Ici, les Asha'ira et les Habash ont dit non. Allah Ta'ala, il a employé le mot main, mais il voulait autre chose. Masha'Allah, il voulait autre chose. Masha'Allah. Donc Allah Ta'ala veut nous égarer. Lui qui a dit dans le Coran, Yuridullahu yubayyina lakum. Allah Ta'ala veut vous éclairer et vous vous dites, il veut nous égarer. Il ne parle pas des mains, il parle d'autre chose. C'est quoi ces autres choses? Ils ont dit, c'est la puissance. Allah Ta'ala, quand il dit, ma main, ça veut dire ma puissance. Et nous, on pose la question. Et pourquoi Allah Ta'ala n'a pas employé le mot puissance? Il l'a employé dans beaucoup de versets qu'il était puissant, Qadir, Qawi. Et pourquoi ici il a employé les mains? Qu'est-ce qui l'a empêché? Est-ce que Allah Ta'ala, il y a quelqu'un qui l'empêche, qu'il emploie un mot à la place d'un autre? Elle dit premièrement. Deuxièmement, comment se fait-il que le messager d'Allah a oublié de nous dire attention ici, Allah Ta'ala ne parlait pas des mains, mais il parlait de la puissance. Pourquoi le messager d'Allah a fait cette grande faute de ne pas nous avoir montré ici? En parenthèse, astaghfirullah. Troisièmement, pourquoi tous les compagnons n'ont pas dit que c'est la puissance? Ils ont dit que c'est la main, ils ont laissé comme ça. Ils ont laissé le texte sur son apparence. Pourquoi aucun d'eux n'a dit que c'est la puissance? Jusqu'à ce que viennent les Habesh, ils nous disent, c'est pas les mains, c'est la puissance. Quatrièmement, on va leur dire, en parenthèse, ce dars, Cheikh ne l'a pas fait, hein, parce que je suis en train de faire un ancien dars, parce qu'on a parlé du pied. J'ai trouvé convenable qu'on parle de la main. Naam, ici. Quatrièmement, on va leur dire, Allah Ta'ala a dit, pourquoi tu t'es pas prosterné à ce que j'ai créé de mes deux mains? Est-ce que c'est possible que main ici veuille dire puissance? Donc ça veut dire, pourquoi tu t'es pas prosterné à ce que j'ai créé de mes deux puissances? Si vous dites ça à un enfant de 5 ans, il va rire. Il va tomber par terre et rire. Il va dire deux puissances. Comment deux puissances? Ça se dit pas. Ça se dit la puissance, d'accord. Pourquoi tu t'es pas prosterné pour ce que j'ai créé avec ma puissance? Mais ici, Allah Ta'ala a employé le deux. Employé, je ne sais pas comment on dit en français, une moussanna. Il a employé une moussanna. Il a dit deux mains. Donc d'après vous, ça veut dire deux puissances. Et ça fait rire. Car il n'y a pas deux puissances. Il y a une puissance ou il n'y a pas la puissance. Mais il n'y a pas deux puissances, trois puissances, quatre puissances. Ça, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas une voiture. Non, quatre chevaux, cinq chevaux, six chevaux. Ce n'est pas une voiture. Et cinquièmement, on va leur dire aussi autre chose. On va leur dire, si Allah Ta'ala ici, lorsqu'il a dit au shaitan, pourquoi tu t'es pas prosterné à ce que j'ai créé avec mes deux mains, ça voulait dire puissance, alors le shaitan aurait pu dire, Ya Allah Ta'ala, oh Allah Ta'ala, pourquoi vous me demandez de me prosterner à Adam en disant que il a quelque chose de particulier? Naam. Et cette particularité, d'après vous, Ya Allah, c'est la puissance. Shaitan dit non. Nous tous, on a été créés avec ta puissance. Ya Allah, pourquoi vous me demandez de me prosterner à Adam? Moi aussi, j'ai été créé avec votre puissance. Il n'y a aucun, Adam, alayhi salam, Ya Allah, n'a aucune particularité. Naam. Car vous savez que Allah Ta'ala a demandé au shaitan de se prosterner en se basant sur quelque chose, en se basant sur, en disant, cette personne ou cette créature, c'est-à-dire Adam, a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Allah Ta'ala veut dire au shaitan, Adam, je l'ai créé de mes propres mains. C'est pour ça que je te demande de te prosterner. Quant à toutes les autres créatures, je les ai créés en leur disant, soyez, ils ont été. Mais Adam a été créé de mes propres mains, mes deux mains, mes belles mains. C'est pour ça que je te demande, ya shaitan, de te prosterner. Donc si main ici veut dire puissance, le shaitan peut dire, non ya Allah, je ne me prosterne pas. Moi aussi j'ai été créé avec ta puissance. Les anges ont été créés avec ta puissance. Les cieux ont été créés avec ta puissance. Adam alayhi salam n'a rien de particulier. N'a rien de particulier. Je ne me prosterne pas. Nous tous, on a été créés par ta puissance. Donc les Habash ici ont été acculés. Et Shaitan était acculé avant eux. Naam, Shaitan n'a rien trouvé à dire. Quand Allah Ta'ala lui a dit, pourquoi tu t'es pas prosterné avec ce que j'ai créé avec mes mains, mes deux mains, il n'a rien trouvé à dire. Il lui est resté que quoi? Que de ne pas désobéir par orgueil, c'est tout. Il a dit, moi, classe, je ne prosterne pas, par orgueil. Et il est devenu kafir. Donc, les Habash ici, classe, ils sont acculés, ils ne peuvent plus rien dire. Apprenez ce dalil que je viens de dire. Le dalil que si les mains c'était la puissance, alors le shaitan aurait trouvé des excuses. Il aurait dit, non, ya Allah, moi je ne me prosterne pas. Vous me dites de me prosterner à Adam parce qu'il a été créé avec votre puissance. Moi, je ne me prosterne pas. Moi aussi, j'ai été créé avec votre puissance. Les anges aussi avec votre puissance. Je ne me prosterne pas. Taïb, a dit, premièrement. Deuxièmement, le deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, un verset très clair. Il a dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. Maïda 64. Quant au premier verset, c'était l'Araf et aussi dans le Baqara. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maïda 64. Ils ont dit, la main d'Allah est fermée. Allah Ta'ala leur a répondu, que leurs propres mains soient fermées. Et maudit soit-il pour l'avoir dit, pour avoir dit cela. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Donc, vous suivez avec moi? Allah Ta'ala, en parlant des Juifs, il a dit, ils ont dit que les mains de Allah Azzawajal sont fermées. Et Allah Ta'ala leur a répondu, il a dit, vous êtes maudits en disant cela. Car les mains d'Allah Azzawajal ne sont pas fermées. Non, les mains d'Allah Azzawajal ne sont pas fermées. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Non, il distribue ses dons comme il veut. Donc regardez bien avec moi, regardez bien avec moi. Les Juifs ont reconnu que Allah Ta'ala avait une main, mais ils ont ajouté un défaut. Ils ont dit elle est fermée. Non. Les Habèches ont dit Allah Ta'ala n'a pas de main. Et Allah Ta'ala a attesté sa main, il a dit j'ai mes mains, mais elles ne sont pas fermées, elles sont tendues, et a enlevé le défaut. Donc remarquez avec moi que les Juifs sont mieux que les Habèches. Les Juifs sont mieux que les Habèches dans quoi? Dans le fait d'attester les attributs d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que les Juifs ont attesté et ont reconnu que Allah Ta'ala avait les mains. Mais seulement, ils ont ajouté un défaut. Ils ont dit, elles sont fermées. Si tu parles avec le Juif, tu lui dis Allah Ta'ala, il a les mains. Il te dit, oui, Allah Ta'ala a deux mains. Oui, je suis un Juif, je vais aller en enfer, mais je reconnais que Allah Ta'ala a deux mains. Mais seulement, naam, elles sont tendues, elles ne sont pas ouvertes. Ils ont ajouté un défaut. Alors que les Habèches, qui se disent non seulement musulmans, mais se disent salafus salih, masha Allah, les Habèches maintenant sont des salafus salih, masha Allah, on aura tout vu, on aura tout entendu. Alors les Habèches ont dit non, Allah Ta'ala n'a pas de main. Allah Ta'ala n'a pas de main, c'est la puissance. Et c'est je ne sais pas quoi le khoroto. Subhanallah al-Azim, les Juifs sont mieux que les Habèches. Allahu Akbar. Le Juif reconnaît. Il dit Allah Ta'ala a deux mains. Naam. Et seulement, il a dit, elles sont tendues, elles ne sont pas ouvertes. Subhanallah al-Azim. Les Juifs sont mieux que les Habèches. Je vous donne le délil que les Juifs sont mieux que les Habèches. Vous voulez un autre délil? Il va venir tout à l'heure. Il y a un Juif qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Allah Ta'ala prend, naam, le jour du jugement dernier, il va prendre les cieux sur un doigt. Naam, la terre sur un doigt, les montagnes sur un doigt, les arbres sur un doigt, et comme ça. C'est un juif. Un juif, il reconnaît que Allah Ta'ala non seulement a la main, mais encore a les doigts. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les juifs mieux que les Habèches. Subhanallah al-Azim. Autre adila, autre dalil. Talib al-Ilm, est-ce que vous m'entendez? De temps en temps, écrit numéro 1, Talib al-Ilm. Écrit numéro 1 pour que je ne me fatigue pas, pour que je demande à chaque fois. Tayyib. Barakallahu fik. Une seconde pour le whisper, une seconde. Naam, whisper, ce que tu as dit, c'est vrai. Une seconde. Je disais, on continue, inshallah ta'ala. Autre dalil. On va passer à la sunna. Écoutez les dalils de la sunna de la main d'Allah Azzawajal. La belle main d'Allah Azzawajal. Ya Allah, j'atteste avant de mourir et je prends en témoin tout ce qui sont en train de m'entendre. Que ya Allah, vous avez deux mains, deux belles mains. Naam, vous avez deux mains, ya Allah, deux belles mains. Si je me trompe, naam, si vous n'avez pas deux mains, au moins, yom al-qiyama, je serai excusé. Je dirai, ya Allah, moi j'ai lu votre Coran, j'ai lu que vous avez dit vous aviez deux mains. Et vous m'avez demandé de suivre votre messager, je l'ai suivi. Il y a plusieurs hadiths où il a dit de vous que vous avez deux mains. Et sûrement que Allah Ta'ala, même si je me suis trompé, et entre parenthèses, je ne me suis pas trompé, il ne va pas me châtier. Il va me dire, Naam, c'est pas ta faute, je t'ai dit de suivre le Coran, tu as suivi le Coran, tu as suivi la Sunna. Donc j'atteste que Allah Ta'ala a deux mains, deux belles mains. Mais seulement, je ne fais pas la ressemblance. Je n'ai pas dit que Allah Ta'ala avait deux mains comme mes mains. Attention, je n'ai pas dit cela, ni qu'il descendait comme ma descente. Ni qu'il voyait comme je vois, ni qu'il parlait comme je parle. Rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble. Naam. Al-Muhim. Qu'est-ce que je disais? Naam. Autre chose. Maintenant, dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Et avant cela, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yadullah mal'a sahaa al-layla wa al-nahar. Ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal-ard fa innahu lam yaghid ma fi yamini. Rawal Bukhari wa Muslim. Dans le premier hadith, le messager d'Allah a dit, Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi an-nahar. Allah subhanahu wa ta'ala tend ses mains. Tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a fait des péchés la nuit. Et Allah Ta'ala tend sa main le jour pour que se repente celui qui a fait des péchés la nuit. Non. Donc Allah Ta'ala tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a fait des péchés le jour. Et Allah Ta'ala tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a fait des péchés la nuit. Donc on va dire au Habesh, donc si d'après vous la main d'Allah c'est la puissance, donc Allah Ta'ala qu'est-ce qu'il fait? Écoutez d'après le Habesh ce que veut dire le prophète alayhi sallam, d'après les Habesh, le prophète alayhi sallam veut dire Allah Ta'ala tend sa main, c'est-à-dire Allah Ta'ala tend sa puissance, Allah Ta'ala tend sa puissance le jour pour que se repentent ceux qui font les péchés la nuit. Et Allah Ta'ala tend sa main, tend sa puissance d'après les Habesh la nuit pour que se repentent ceux qui font les fautes le jour. Vous croyez-vous à ça? Allah Ta'ala tend sa puissance la nuit et il attend le jour. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Naam. Autre chose. طيب, voilà, خلي je commence par les adillah, ensuite on passe à l'autre chose. Naam. Je finis avec les adillah. Ensuite, on passe, inshallah ta'ala, à l'autre chose. J'ai bien cherché dans les livres de la sunna, na'am, pour vous donner au maximum, na'am, les dalils de la main d'Allah Azza wa Jal. Écoutez ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, dans un hadith authentique, il a dit, Inna Allah, hina khalaqa al-khalqa, كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. Le hadith est authentique. Il se trouve dans Sahih al-Jami' pour ceux qui veulent vérifier. Sahih al-Jami' 1755. Sahih al-Jami' Cheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah. Numéro 1755. Allah Ta'ala, quand il a créé al-khalq, la création, kataba, il a écrit avec sa main, ala nafsihi, il a écrit que quoi? Que sa miséricorde vaincra sa colère. Donc, qu'a dit le hadith? Il a dit Allah Ta'ala a écrit avec quoi? Biyedihi, avec sa main. Pour que personne ne puisse dire c'est la puissance. Si tu dis la puissance, je te dis tu as menti. Parce qu'il a dit, il a écrit avec sa main. On ne peut pas écrire avec la puissance. Personne ne peut écrire avec la puissance. Ni Allah Azza wa Jal n'écrit avec la puissance. Mais il a écrit avec sa main, comme ça. Pour que vous compreniez que Allah Ta'ala a une main qui lui convient. Comme il a une vie qui lui convient. Comme il a une vue qui lui convient. Comme il a une parole qui lui convient, comme il a une descente qui lui convient, comme il a des yeux qui lui conviennent, et comme ça. Naam. طيب. يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. متفق عليه. Maintenant dans le hadith de Bukhari ou Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم montre et ajoute autre chose que il a écrit avec sa main un livre. Pour ceux qui disent la puissance, qu'il a écrit, ça veut dire la puissance, on leur dit, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que premièrement, il a écrit, deuxièmement, il a dit avec sa main, et troisièmement, il a dit un livre. Naam, khlas, c'est trop tard. Un livre, il a écrit quoi? Un livre. C'est pas il a écrit une puissance, et la puissance n'écrit pas. Il a écrit un livre. Où se trouve le livre? Au-dessus du trône. Bien sûr, les Habèches, pour eux, Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Pour les Habèches, Allah Ta'ala est partout. Il est dans les toilettes, il est dans les cabarets. Allah Ta'ala est partout, astaghfirullah. Allah Ta'ala. Hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. طيب, écoutez le prochain hadith. Hadith Hakim ibn Jabir. Hadith Hakim ibn Jabir. Qala. أخبرتُ أن ربكم عز وجل خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده. حديث صحيح. جيزي مختصر العلوم. الذهبي authentifié par الشيخ الألباني. نعم. كديسي لدي. J'ai été informé que votre Seigneur عز وجل خلق آدم بيده. J'ai été informé que votre Seigneur Azzawajal a créé Adam de sa main et a écrit la Torah, et a écrit la Torah de sa main. Donc, pour les Habesh qui disent que de sa main c'est la puissance, on va leur dire, mais le message d'Allah a dit aussi que Allah Ta'ala a écrit la Torah de sa main. Alaykoum salam. Comment se fait-il? Comment qu'il écrive la puissance de sa main? Pardon, il écrit la Torah avec sa puissance? Il a dit, j'ai été informé que le Seigneur Azzawajal a dit Torah de ma main. Subhanallah al-Azim. Est-ce que yani, y a quelqu'un qui croit en Allah Ta'ala et au jour dernier, il n'accepte pas des choses pareilles, n'accepte pas que c'est la main d'Allah Ta'ala qui a écrit. Le juif accepte et les habèches n'acceptent pas, qui se disent musulmans et salaf salah, n'acceptent pas. Et le juif et les juifs acceptent cela. Non. Mais moi je vous dis pourquoi ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas parce qu'ils ont dans le cœur l'anthropomorphisme. Ils ont la ressemblance dans leur cœur. Naam. Dès qu'ils lisent un verset ou un hadith où il y a la main, la descente, les yeux, la jambe, ils croient quoi? À force de la ressemblance qui est dans leur cœur, ils croient que si on dit ce que Allah a dit et si on dit ce que le messager a dit, on a fait la ressemblance. Alors, fuyant de la ressemblance, ils sont tombés dans quoi? Dans la négation. Et celui qui fait ressembler Allah Ta'ala, c'est un grave péché, mais c'est mieux que celui qui nie. Car quand tu fais ressembler Allah Ta'ala, au moins tu as dit il a la chose, il a l'attribut et tu l'as ressemblé. Tu as dit il a la main et tu l'as ressemblé à la main des créatures. Tu dis il descend et tu l'as ressemblé à la descente des gens. Au moins tu as reconnu l'attribut. Tu es mieux que celui qui a nié, qui a dit non il n'a pas. Alors que les deux, bien sûr, sont dans la faute et sont dans le péché. Mais le sunnah, alhamdoulilah, en même temps, ils attestent l'attribut et en même temps, ils éloignent de leur cœur quoi? Ils éloignent la ressemblance et l'anthropomorphisme. Alhamdoulilah. Naam. طيب أهو الله عز وجل القلم فأخذه بيمينه وكتب يده يمين قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل إلى آخر الحديث حديث صحيح voir سلسلة صحيحة 3136. Que dit ce hadith? Il a dit la première chose que Allah Ta'ala a créée c'est la plume. Ensuite il a dit il a pris la plume avec sa main droite. Entre parenthèses, ses deux mains sont droites. Ensuite, il a dit, la plume a écrit toute chose qui allait se passer dans cette vie. Donc, la première chose que Allah Ta'ala a créée, c'est quoi? C'est la plume. Il l'a créée avec quoi? Avec sa droite. Ensuite, il l'a prise. Allah Ta'ala a pris la plume avec sa main droite. Et ses deux mains droites, ses deux mains sont à droite. Allah Ta'ala n'a pas la gauche, n'a pas la main gauche. Quoique, ça c'est pour taquiner les Habèches, Quoique, le hadith dans Sahih Muslim, Sahih Muslim a dit que Allah Ta'ala avait la main gauche. Voilà, pour les Habesh, pour les taquiner. Naam. Pour les taquiner, a cité la main gauche d'Allah Azza wa Jal. Mais nous, naam, on suit l'avis qui dit que ce hadith est chève et faible, même s'il est dans Sahih Muslim. Car dans le Bukhari, il a dit ses deux mains sont la droite. Ses deux mains sont la droite. Donc ici, ce hadith, quand il dit, il a dit que Allah Ta'ala avait pris la plume avec sa main droite. Allah Ta'ala a pris la plume avec la main droite. Donc pour les Habesh, Allah Ta'ala a créé la plume. Ensuite, Allah Ta'ala a pris la plume avec sa puissance droite. Avec sa puissance droite. C'est pas avec sa main droite. Allah Ta'ala a pris la plume avec sa puissance droite. Non. Un enfant ne dirait pas cette chose. Un fou de l'hôpital psychiatrique, il va pas dire avec la puissance droite. Non. On continue, inshallah ta'ala. لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه الروح عطس. Écoutez ce hadith. Lorsque Allah Ta'ala a créé Adam et il lui a insufflé l'âme. Adam alayhi salam, quand il fait, il a éternué. فقال الحمد لله. Il a dit الحمد لله. فحمد الله بإذنه. فقال له ربه يرحمك الله. Allah Ta'ala lui a dit يرحمك الله. Car quand quelqu'un éternue, il dit Alhamdulillah, on lui dit Yarhamukallah. Donc Allah Ta'ala lui a dit Yarhamukallah, ya Adam. Ensuite il lui a dit idhab ila ulaika al-malaika, va aux anges que tu vois là-bas, hein, qui sont assis là-bas, et dis-leur salamu alaykum. Donc Adam est parti, il leur a dit salamu alaykum. Ils ont dit wa alayka salam wa rahmatullah. Thumma raja'a ila rabbi. Ensuite il est revenu chez Allah, vers Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala lui a dit هذه تحيتك وتحية بنيك. Naam, cette salutation, c'est ta salutation et la salutation de tes enfants. فقال الله. Ensuite Allah Ta'ala lui a dit, voilà le témoin du dars. Écoutez Allah Azza wa Jal ce qu'il lui a dit. Allah Ta'ala lui a dit ويده مقبوضتان. Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a dit, et en même temps, ses deux mains étaient fermées. Il lui a dit, « Ikhtar ayyuhuma shi't, ô Adam, choisis l'une de mes deux mains. » Écoutez bien, les deux mains fermées, il lui a dit, « Choisis l'une de mes deux mains. » Il a dit, « Ikhtartu yamin rabbi, j'ai choisi la main droite d'Allah Azza wa Jal. Wa kita yaday rabbi yamin. » Alors que les deux mains de mon Seigneur sont main droite et bénie. Mais il a dit, je choisis la main droite. Alors Allah Ta'ala basata, Allah Ta'ala a tendu sa main. Hein? Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu sa main, la main que Adam alayhi salam a choisi. Il a dit, fa'ida fiha Adam wa dhurriyatahu. Qu'est-ce qu'il y avait sur la main droite d'Allah Azza wa Jal? Adam et toute sa progéniture, tous ses enfants. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Jami' du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, numéro 5209. 5209. Donc, ce hadith disait quoi? Ce hadith disait que Allah Ta'ala a fermé ses deux mains et lui a dit, choisis l'une de mes mains. Et Adam alayhi salam a choisi la droite. Regardez. Est-ce que ce sont des mains réelles? Ou bien ce sont autre chose, comme disent les Habesh, ce sont les puissances et la ni'ma et je ne sais pas quoi. Regardez, c'est comme vous, quand vous dites à votre enfant, je donne un exemple, Allah Ta'ala, rien ne lui ressemble. Vous mettez par exemple un euro dans votre main gauche, ensuite vous tendez les deux mains à votre enfant, vous lui dites, choisissez l'une des mains. Il choisit une main, ensuite vous l'ouvrez. Allah Ta'ala, comme ça a fait, il a fait avec Adam. Il lui a dit, choisis une de mes mains. Ensuite, Adam a choisi la droite. Allah Ta'ala lui a ouvert la main. Il a trouvé quoi? Il y avait toute sa progéniture. Toute la progéniture de Adam alayhi salam était sur sa main droite. Tayyib. Une seconde. Tayyib. Autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Atani al-laylata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Faqala ya Muhammad, hal tadri fi ma yaqtasimu al-mala' al-a'la? Faqultu la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Cette nuit, le Seigneur tabaraka wa ta'ala m'est venu dans le songe. C'est pour ça que Ahl Sunnah ont dit que il est possible que quelqu'un voie Allah Azza wa Jalla dans le songe. Ils ont, le prophète a dit: Allah Ta'ala m'est venu dans le songe et je l'ai vu dans quoi? Dans sa plus belle image. Dans sa plus belle image. Il m'a demandé au messager d'Allah: est-ce que tu sais pourquoi les anges sont en train de se disputer? J'ai dit non, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de se disputer. Alors écoutez ce qui s'est passé. Il a dit: فَوَضَعَ يَدَهُ. Alors Allah Azza wa Jalla a mis sa main entre mes épaules, hatta wajadtu baradaha bayna thadiyay, jusqu'à ce que j'ai senti sa froideur de sa main azza wa jall entre ma poitrine, entre mes deux seins. Alors j'ai compris, j'ai su ce qu'il y avait entre les cieux et la terre. Ce hadith est authentique. Il se trouve dans Sahih al-Jami' numéro 59. Naam. Allah Azza wa Jal a mis quoi? A mis sa main entre les deux épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Habesh, qu'est-ce qu'ils disent? Allah Ta'ala a mis sa puissance entre les deux épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Hadahum Allah Azza wa Jal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez le prochain hadith qui va venir. Naam. Il a dit: Quloubu al-ibadi bayna usbu'ayni min asabi' ar-Rahman. Hadith numéro 233, authentique, Dilal Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Naam. Tous les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts, naam, des doigts de Allah Azza wa Jal, bayna usbu'ayn min asabi' ar-Rahman. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas à nous apprendre que Allah Ta'ala a une main, mais il a dit que Allah Ta'ala a aussi des doigts qui lui conviennent Azza wa Jal, comme lui convient sa vie, comme lui convient son oui, comme lui convient sa vue, comme lui convient sa parole, comme lui convient sa force, comme lui convient sa puissance, et comme ça. Non, rien ne lui ressemble, Azza wa Jal. Naam. Donc, ici, c'est l'attribut des doigts d'Allah Azza wa Jal. Une main avec des doigts, les doigts d'Allah Azza wa Jal. Écoutez ce hadith qui va venir. Ja'a yahoudiyun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un juif est venu au messager d'Allah alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Muhammad, écoute, ya Muhammad, inna Allah yumsiku samawat ala isbi'. Écoute, ô Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala prend, naam, les cieux sur, yani le jour, la fin du monde, il va prendre les cieux sur un doigt, ou l'aradin sur un doigt, les terres sur un doigt, ou l'jibel sur un doigt, les montagnes sur un doigt, ou le khalaiq ala isba, toutes les créatures, yani les êtres humains, les djinns, sur un doigt. Et il va dire: An al-Malik, c'est moi le Seigneur, c'est moi le Seigneur. Naam. Qal, fa dhahika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète alayhi wa sallam a ri jusqu'à ce que on a vu ses molaires. Et il a récité le verset: Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Et ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal yani comme il se doit. Ce hadith se trouve dans Sahih Tirmidhi, volume 5, page 371. Cheikh Al-Albani a dit: hadith authentique. Donc, vous voyez, un juif, le juif, non seulement il reconnaît qu'Allah Ta'ala a une main, mais il reconnaît qu'Allah Ta'ala va prendre les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les créatures sur un doigt, les montagnes sur un doigt. Il va dire: An al-Malik, subhanallah al-Azim. Les juifs connaissent la aqida mieux que les habesh. Les juifs connaissent la Aqida mieux que les Habèches. C'est dommage que les Juifs connaissent le din mieux que les Habèches. C'est dommage. Hein? Naam. Dans un autre hadith authentique qui se trouve dans le Mishkat, Mishkat Masabih, numéro 700, en fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala m'a demandé, sais-tu pourquoi les anges sont en train de se disputer trois fois? Il a dit, alors il a mis, kaffahu, sa pomme, entre mes épaules jusqu'à ce que j'ai ressenti la froideur de ses doigts, de ses bouts de ses doigts, ce qu'on appelle les phalanges, entre mes seins, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et nous, tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le met au-dessus de nos, sur nos yeux et sur notre tête, et on dit sami'na wa ata'na. On dit, Ya Rasulullah, j'ai entendu. Ya Rasulullah, naam, je te crois. Ya Rasulullah, je t'ai entendu ce que tu as dit. Je t'ai écouté. Et Ya Rasulullah, je crois ce que tu as dit. Naam. On ne dit pas, Ya Rasulullah, je t'ai entendu. Mais, naam, tu veux dire autre chose. Je déforme. Ou bien, je dis, je t'ai entendu, mais je nie. Je ne te crois pas. Non, il self salah. Tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit, سمعنا واطعنا نعم car personne ne connaît le messager d'Allah mieux que lui. Personne ne connaît Allah azza wa jal mieux que le messager d'Allah, et personne ne connaît Allah mieux que lui-même. Alors il est impossible que le messager d'Allah me dise Allah a deux mains et Allah a des doigts dans sa main, et ensuite je dise non, ce n'est pas vrai. Ou bien que je dise non, ce n'est pas les mains, c'est la puissance, c'est ceci, c'est cela. Non, mais je commence à jouer avec quoi? Je joue avec les versets et je joue avec les hadiths. Et je les déforme et je leur donne le sens que je veux moi. Pourquoi tout cela? Parce que dans mon cœur, j'ai l'anthropomorphisme. Dans le cœur, j'ai la ressemblance. Dès que j'ai lu un hadith où c'est cité la main d'Allah, mon cœur étant souillé, j'ai cru que la main d'Allah était comme ma main. Et j'ai cru que la main d'Allah était comme la main du singe. Et j'ai cru que la main d'Allah était comme la main du kangourou. Et comme ça. J'ai dit non, j'accepte pas. Allah Ta'ala n'a pas de main. Alors que, il fallait que je dise quoi? Il fallait que je dise, Na'am ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah. Vous ne dites que la vérité. Na'am ya Rasulullah. Vous ne parlez qu'avec révélation. Vous avez dit quoi? Vous avez dit Allah Ta'ala une main. D'accord. Allah Ta'ala a une main, et une main qui ne ressemble pas à la main des créatures. Une belle main, une main qui lui convient, une main qui lui sied. Ya Rasulullah, vous avez dit Allah Ta'ala a des doigts. Khlas. Allah Ta'ala a des doigts qui lui conviennent, qui ne ressemblent pas aux doigts des créatures. Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim. Regardez, mes mains ne ressemble pas de je ne sais pas qui, de la grenouille. Comment se fait-il que les mains d'Allah me ressembleraient, ou bien que mes mains ressembleraient aux mains d'Allah? Si, entre nous, les créatures, nos mains ne se ressemblent pas. Regardez, la main de l'homme ne ressemble pas à la main de la femme, subhanallah al-Azim. Est-ce qu'elles ont les mêmes mains? Non, les seins doivent aller. La forme, mais elle ne se ressemble pas à 100%. Non. Alors, comment se fait-il que mes mains ressemblent aux mains d'Allah Azza wa Jal, ou bien que les mains d'Allah me ressemblent? Sans parler des mains de la grenouille, du crocodile, de la girafe, de. C'est impossible. C'est impossible. Non. Allah Ta'ala, rien ne lui ressemble. Et en même temps, il a dit, c'est moi l'audion, c'est moi le clairvoyant. Donc Allah Ta'ala entend la voix et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala vit et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala descend et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala parle et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala vient et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala se met en colère et rien ne lui ressemble. Allah Ta'ala rit et rien ne lui ressemble. Et comme ça. Pourquoi? Parce que lui, c'est le créateur. Et nous, c'est la créature, on a été créé. Il est impossible qu'on ressemble à notre créateur. La ressemblance se trouve seulement au niveau des mots. Au niveau des mots et des noms. Naam. Allah Ta'ala vit et moi je vis. Les deux, on a une vie, mais la vie d'Allah n'est pas comme ma vie. Allah Ta'ala entend et moi j'entends. Les deux, on a une entente. Mais l'entente de Allah Azzawajal, lui d'Allah Azzawajal, n'est pas comme mon oui. Car moi, pour entendre, il me faut une oreille. Il me faut le tympan à l'intérieur. Il me faut la cloche à l'intérieur. Il me faut 1000 choses à l'intérieur pour écouter et entendre. Allah Azzawajal entend sans oreille. Naam. Allah Ta'ala a une parole, moi j'ai une parole. Il y a la ressemblance dans le mot parole. Mais la parole d'Allah n'est pas comme ma parole. Moi, pour parler, il me faut une bouche. Il me faut une langue. Il me faut beaucoup de choses à l'intérieur pour pouvoir parler. Allah Ta'ala parle sans la bouche. Naam. Et comme ça. C'est comme ça qu'il faut dire dans tous les attributs, si vous voulez être salafi et si vous voulez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, naam, pour qu'il fasse, vous fasse rentrer au paradis et ne vous fasse pas rentrer en enfer. Il reste beaucoup à dire dans le prochain dars, inshallah ta'ala, en ce qui concerne les mains d'Allah. Naam, il reste beaucoup, beaucoup de choses à dire dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Je préfère laisser cela, inshallah ta'ala, au prochain dars بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Je réponds inshallah ta'ala à quelques questions si seulement elles ont rapport avec ce que je viens de dire ou bien la aqida en général. اتفضل inshallah ta'ala. Om Firdaus, tafaddali. Assalamu alaykoum. Il y a du son? Est-ce qu'on m'entend? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une personne qui travaille dans un endroit où il y a de l'alcool, l'argent est-il licite? Barakallahu fikum, ahyakumullah, amin. Qu'Allah vous récompense, amin. Ahwan, j'ai, au lieu de dire l'argent est-il illicite, j'ai dit est-ce que l'argent est-il licite? Et bon, le sens de la question, ça change pas le sens de la question. Ahwan, ouais, j'ai oublié de dire, les questions, elles doivent être en rapport direct avec le cours, qui est la Aqida. Donc, si votre question n'est pas en rapport avec le cours, avec la Aqida, vous pouvez baisser votre main, Inch'Allah. Ce soir, il y aura que les questions sur la Aqida qui seront prises. Minhaj al-Haq, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Sabil. À votre tour aussi, Inch'Allah, si vous voulez poser votre question. Salam alaikum. Quand on vit dans un pays qui n'applique pas la charia, peut-on se soumettre à ses lois sans sortir de l'islam? Donc je vous rappelle aussi de préparer vos questions à l'avance, barakallahu fikoum, pour pas qu'on perde de temps. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est normal que quand quelqu'un travaille dans l'alcool, c'est que bien sûr son argent est illicite. Quand quelqu'un travaille dans l'alcool, bien sûr que son argent est illicite. Et que il est quoi? Et que cette personne est maudite. Et que cette personne est maudite. Et c'est grave si elle ne fait pas la tauba avant de mourir. Autre chose, quelqu'un vient de me dire, il m'a dit tout à l'heure, que une personne, je ne sais pas qui, dit, moi je me dis seulement, elle s'est trompée. Cette personne dit que moi, dans une question, en répondant à une question, que j'ai dit qu'il était permis de raser sa barbe pour aller travailler. Celui qui dit ça de moi, il se trompe, car il ne m'a pas bien compris. Ah, maintenant, s'il ne se trompe pas, ça veut dire qu'il ment. Ça veut dire qu'il ment. Mais moi, je pense du bien de lui. Je dis que cette personne, sûrement, elle s'est trompée. Ah. Car c'est une personne qui m'avait demandé que maintenant elle avait la barbe longue, etc. Qu'est-ce qu'elle faisait? J'ai dit que si la barbe dépassait, quand on prend comme ça, la barbe dépasse, islam, il est permis de couper la chose qui a dépassé. Non. Et je n'ai pas dit que cette personne pouvait se raser la barbe pour aller travailler. Si quelqu'un dit cette chose de moi, mais je ne crois pas, inshallah ta'ala, qu'elle ait menti. Al-Muhim, la question d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre dans un pays qui n'applique pas la charia sans... Attendez, je relis en haut. Naam, on peut vivre dans un pays qui n'applique pas la charia sans sortir de l'islam. Quand est-ce qu'on sort de l'islam? On sort de l'islam quand on est content que on n'applique pas la charia. Et moi, je voudrais quoi? Je voudrais qu'on applique les lois qui sont contre la charia et les lois humaines. Naam. Mais quand tu vis dans un pays où on n'applique pas la charia, tu dois avoir dans le cœur que quoi? Que tu détestes cette chose. Tu la détestes et que tu n'as d'autre solution que qu'on l'applique sur toi. Est-ce que toi tu peux être faire être chose? Pardon, tu peux faire quelque chose? Tu peux changer la loi? Enlever la loi des humains et mettre la loi d'Allah Azzawajal? Tu ne peux pas. Donc, tu es forcé, hein, on te force à ce qu'on l'applique sur toi, et tu es pardonné tant que cette chose, tu la détestes dans ton cœur, Inch'Allah Ta'ala. Mais maintenant, si tu aimes cette chose et tu es content, ça c'est autre chose, ça devient grave. Non. Tu fais de l'Inch'Allah Ta'ala le prochain. Abdullah 06, ça va être au tour, Inch'Allah. Ah, il y a la question de Minhajul Haq avant. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Yashir. Comment faire pour éviter les waswas de shaitan qui font que parfois on n'arrive pas à s'empêcher d'avoir des pensées de comparaison ou alors s'imaginer le comment des attributs d'Allah Azzawajal. Est-ce qu'il y a des doigts à faire pour empêcher d'avoir ce genre de pensée? Et est-ce que cela rentre dans le péché d'avoir ce genre de pensée? J'espère que ma question a été bien formulée. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Peace out. Naam, ces ouswas dont Minhajul Haq vient de parler, en fait, ne quittent pas le musulman. Naam, ils sont toujours avec le musulman. Car quand on a dit à Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, on lui a dit, comment se fait-il que les juifs disent qu'on n'a pas de ouswas? Et nous, les musulmans, on a des ouswas. Alors Abdullah ibn Abbas a répondu, en fait, que va faire le shaitan dans un cœur yani qui est en ruine? Non, un cœur vide, un cœur plein de coffres, un cœur où il n'y a pas la lumière. Que va faire là-bas le shaitan? Le shaitan, justement, il vient faire les ouswas, non, il vient faire les ouswas dans un cœur où il y a la sunna, dans un cœur où il y a les attributs d'Allah, dans un cœur où il y a Naam, il y a le sentier d'Allah. C'est là qu'il vient pour essayer de t'ébranler. Et si quelqu'un est kafir ou il a la trinité dans le cœur ou l'ikhlas, celui-là, que va faire le shaitan chez lui? Le shaitan va chercher une autre victime. Naam. Donc, ce que dit Minhajul Haq, il nous arrive à nous tous. Mais comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on sent quelque chose pareil, qu'est-ce qu'on fait? On dit Allahu Ahad, Allahu Samad. Et on crache trois fois sur l'épaule gauche et on dit c'est comme ça, comme c'est dans la Sunna Sahiha que vous pourrez lire dans Sisi la Sahiha de Sheikh Al-Albani. Il dit Amantu billahi wa rasulih, ou bien rasulih. Et tu dis Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et tu craches trois fois sur ton épaule gauche. Et comme ça. Et Inch'Allah Ta'ala, il partira. Et tu n'as pas, bi'idna azzawajal, de péché quand le ouswas te vient. Car ouswas, c'est quelque chose qui vient comme ça, qui est plus fort que nous. Nous ne le commandons pas. Naam. Mais tu as des péchés si ça te plaît. Et si tu suis le shaitan, tu lui dis tu as raison, ahad, Allah au samed, lam yalid wa lam yulid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et tu craches trois fois à gauche, tu dis a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, tu as des quoi? Tu as des hasanat pour avoir suivi le prophète alayhi salatu wa salam et pour avoir fait le jihad au shaitan. Naam, tafaddal inshallah le prochain. Abdullah 06, je vous ai retiré le raid, donc vous pouvez poser votre question inshallah. Salam alaykoum cher. Qu'en est-il de l'existence des dinosaures dans l'islam? Y a-t-il des preuves dans le Coran? Allah yajzik et barakallahu fikoum. Propager la da'wa salafia sur Paul. Je ne sais pas si on a entendu la fin de la question, il y a eu un jump là. Je crois bien que tu m'as pris le micro sans faire exprès, Talab El Aïm. Ok, inshallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fais saut. Non, je ne connais pas un verset ou bien un hadith qui parle comme ça, par exemple, des dinosaures et qui les cite comme ça. Non. Mais des choses pareilles, il faut revenir aux découvertes des scientifiques. Et moi, personnellement, je crois, je dis Allahu a'lam, je suis pas sûr, mais je crois que les dinosaures ont existé. Parce que de temps en temps, on découvre des fossiles et comme ça. On trouve des os, on trouve des choses qu'on ne peut pas nier. Non. Donc il me semble, Allah Ta'ala a'lam, que ces reptiles-là et ces dinosaures ont existé. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais je voudrais dire une chose que peut-être certains ne connaissent pas aussi. Non. Nous, quand on pense aux dinosaures, on croit que, bien sûr, ils étaient très, comment dirais-je, ils étaient énormes, etc. Mais on oublie une chose très importante. Qu'est-ce qu'on oublie? On oublie que les personnes qui vivaient aussi au temps des dinosaures étaient aussi des géants. Non, nous, on croit des dinosaures comme un immeuble comme ça, et nous comme ça, comme des fourmis. Mais ce qu'il faut penser, Allah Ta'ala Adam, c'est que les gens à l'époque étaient aussi des hommes, etc., étaient aussi énormes, étaient aussi des géants, de façon à ce que un dinosaure pour lui était peut-être, Allah alam, comme un lapin par rapport à nous. Comme maintenant je vois un lapin, je suis peut-être plus grand que lui, non, plus énorme que lui. C'est pour ça que il découvrait des personnes qui faisaient 10, 15 mètres de hauteur. Il oubliait 30 mètres et ça descendait. Maintenant, on fait 1 mètre et quelques. Et d'ici la fin du monde, les gens peut-être feront 50 cm ou la 30 ou là. Et vivront peut-être quelques mois, c'est tout. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlam, inshallah, le suivant. Saliha, à votre tour, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Existe-t-il, Yachir, des degrés dans l'amour de notre Seigneur envers son serviteur? Et quels sont les gens correspondant à ces degrés? Même chose pour sa colère envers son serviteur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, de toute façon, en général, je vais répondre comme ça, en général, dans la croyance, disons dans la piété, et dans le contraire, il y a certains signes comme ça qui montrent qu'on est dans la piété ou bien qu'on est vraiment dans le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, en parlant de Awliya Allah, car vous savez que il y a par exemple le musulman, ensuite il y a le croyant qui est un peu plus haut, ensuite il y a le muhsin, il y a le bienfaisant, si je puis dire, le muhsin. Non, ils sont pas à pied d'égalité, ils sont à pied d'égalité, tous les trois sont des musulmans, mais l'autre il est seulement musulman, l'autre il est croyant, mu'min, et l'autre il est muhsin, il est plus haut, plus élevé. Non. C'est pour ça que il y a ce qu'on appelle en islam, par exemple, il y a الله ولي الله الأولياء لزالي يد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى دي من عادى لولي أذنته بالحرب. قال الله تعالى دي دون زي حديث قدسي لا دي كيكونك يعني في دو تور à un de mes alliés سبحانه وتعالى qui est quelque chose de beaucoup beaucoup plus haut. Par exemple, quel est le signe, par exemple, de l'allié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Awliya Allah alladhina idha ru'u dhukira Allah. Waliullah a dit, c'est celui lorsque tu le vois, tu quoi? Tu invoques Allah azza wa jal. Naam. Il y a des personnes, juste tu le vois, masha'Allah, tu sens ton cœur qui bat. Naam. Et tu commences à dire subhanallah et quelque chose comme ça. Naam. Et il te fait penser au jour du jugement dernier, il te fait penser à la rencontre d'Allah, il te fait penser à son paradis et comme ça. Naam. Bien sûr, rares sont ces gens, mais ils existent. Et comme Allah Ta'ala aussi a dit dans le Coran, en parlant de ses alliés, Awliya Allah, c'est pas comme Awliya Allah de nos jours, on croit que ce sont ceux qui ont un grand tombeau. Sa tombe et on commence à tourner autour de lui, on tourne autour de la tombe, hein, on prend des œufs, on prend des bougies, et Dieu est né, on va faire là-bas des doigts. Et la femme va dire là-bas, donne-moi un enfant parce que j'enfante pas. L'autre il va lui dire, donne-moi un travail, on m'a expulsé du travail. Ils vont dire, c'est celui-là l'allié d'Allah, c'est celui-là l'ouali. En fait, tout ça c'est faux, tout ça c'est bid'a, khurafat, c'est shirk billah azza wa jal. L'allié, comme a dit Allah azza wa jal, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا ديد الله الله تعالى دي dans le Coran que il a quoi, il a le bouchra ici, il a la bonne nouvelle ici. C'est quoi son signe? C'est ça s'appelle ça les songes authentiques, les songes véridiques. Non, voilà un signe de quelqu'un qui est dans la piété quand il commence à voir des songes authentiques. Il commence à voir le prophète al-Islam dans ses songes. Il commence à voir les sahaba dans ses songes. Il commence à voir les grands savants dans ses songes. Non, celui-là, masha'Allah, voilà un des signes de la piété qu'il a atteint, masha'Allah, un degré, masha'Allah. Ensuite, par exemple, l'un des signes aussi de la piété, c'est quand quelqu'un va mourir, hein, quand il est dans ses derniers jours, l'agonie, dans ses dernières heures, l'agonie, et il commence à suer. Il commence à suer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, Mawtul mu'min bi'araqil jabin. Il a dit, la mort du croyant ici, ça veut dire qu'il commence à suer. Non. Donc si vous connaissez quelqu'un qui, masha'Allah, faisait la prière à l'heure, qui yani, obéissait à Allah Ta'ala, ce qu'il pouvait. Et, avant de mourir, vous l'avez vu suer, mourir en suant, c'est là, masha'Allah, un grand signe qu'Allah Ta'ala, si je puis dire, a accepté la tawbah de cette personne, et qu'Allah Ta'ala a agréé cette personne et est ravi de lui. Et bien sûr, Dans le sens contraire, quand quelqu'un est vraiment dans l'égarement et quand quelqu'un est vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les signes de cela, c'est quoi? C'est que cette personne, Allah ta'ala lui met dans le cœur, lui met quoi? Al-hayra, wa-tih, wa-al-qalaq. Naam. Allah ta'ala lui met dans le cœur, il n'est jamais apaisé. C'est l'un des grands. Allah Ta'ala donne la richesse au plus grand kuffar et au plus grand innovateur. Et donne la pauvreté, plusieurs fois, à ses meilleures créatures, à ses créatures les plus pieuses. Car beaucoup de gens qui ne connaissent pas le dîn se basent sur la richesse et la pauvreté. Ils disent, on est riche, donc Allah Ta'ala nous a agréés. X est pauvre, donc Allah Ta'ala ne l'aime pas. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Naam. Quoique Allah Ta'ala donne des fois la richesse à la personne pieuse. Mais la règle générale, c'est ce que je venais de citer. Donc, qu'est-ce qu'il lui donne? Celui loin de lui, celui qui est égaré, celui qui il lui donne dans le cœur, n'am, il lui donne pas l'apaisement du cœur, il lui donne pas la quiétude, il lui donne pas quelque chose qu'on appelle la sérénité. C'est pour ça que vous trouvez une personne, une voiture, il est pâli et se suicide. Il se suicide. Vous dites, subhanallah, cette personne avait tout et elle s'est suicidée. Naam, cette personne avait tout, mais lui manquait tout. Lui manquait tout. Lui manquait quoi? La foi, l'iman, la sérénité. Allah Azzawajal ne lui a pas apaisé son cœur. Naam, à quoi ça me sert d'avoir tout pour me suicider, pour me trouver à Jahannam? Je préfère manger du pain et de wasmo, du pain et du lait, et encore le lait c'est cher, du pain et je ne sais pas quoi, et du pain et de la shorba, et rentrer au paradis et être heureux dans cette vie, rentrer au paradis, plutôt que manger le caviar et tout le temps les poissons et me trouver à Jahannam. Naam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide et apaise nos cœurs. Tfadl, inshallah ta'ala, le prochain. Salam alaykoum wa rahmatullah. Il y a du son, inshallah. Urtukum, c'est à vous, inshallah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je ne sais pas vraiment si c'est en rapport avec la aqida. Est-il correct de croire qu'un djinn ou un diable peut rendre une femme enceinte? Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Barakallahu fik. Tafadhal, Cheikh. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, cette question est dans la aqida. Cette question est dans la aqida, alhamdoulilah. Naam, il n'est pas accepté dans le din de dire qu'un diable ou un djinn peut faire tomber une femme enceinte. Comme a dit Imam Malik, rahimahullah. Pour la bonne raison que, écoutez bien pourquoi, pour la bonne raison que, si on acceptait cela, alors toute femme qui fera la zina, nam, dira, et c'est très simple pour elle, que ce qui s'est passé c'était avec un djinn et pas avec une personne. Et alors là, le fait de lapider ou de fouetter, on l'enlève du Coran et de la Sunna. On ne lapide plus une femme, ni on la fouette. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle fait la zina, elle va nous dire c'est un djinn. Donc qu'est-ce qu'on dit? Non. Le djinn peut faire la zina avec une femme dans les songes. Non. Il peut la faire, non, faire de sorte que elle se voit enceinte ou bien elle accouche, toujours dans le songe. Et comme ça, le djinn aura d'elle un enfant. Qui elle vient d'accoucher, non, c'est la même chose. La différence entre un djinn et un diable, j'ai dit c'est la même chose, mais quoique il y a une différence, c'est que le diable c'est celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, le shaitan, et le djinn peut être, s'il reste, s'il devient musulman, c'est seulement un djinn. Un moyen, je disais, donc le djinn là, il peut faire ce que fait l'homme avec sa femme. Avec une femme dans le rêve, mais pas en réalité. Pas en réalité. Il peut avoir un enfant d'elle dans le rêve, peut faire la zina avec elle dans le rêve. C'est pour ça que, hein, même l'homme, il peut faire la même chose avec la djinnia dans le rêve. C'est pour ça que, hein, on doit faire la ruqya, on doit lire le Coran, s'essuyer, etc., avant de dormir, pour ne pas laisser le djinn s'approcher de nous. Mais il n'est pas accepté d'une femme qu'elle dise le bébé que j'ai, hein, que je vais accoucher, vient d'un djinn. Naam. C'est comme ça disent les ulama. Tfadl, inshallah, le prochain. Mohamed Izir. Inch'Allah, c'est à votre tour. Anaïs 7, Inch'Allah, le temps que Mohamed Izir y prépare sa question, je vous ai retiré le raid à vous aussi. Vous pouvez la poser, Inch'Allah. Salam alaikum. DC, est-ce que Allah a deux mains droites ou une main droite et une main gauche? Ahiyakum Allah, jazakallahu khair. DC, ça veut dire, ah donc, salam alaikum. Salam alaikum. Donc, est-ce qu'Allah a deux mains droites ou une main droite et une main gauche? Barakallahu fikoum d'éviter le langage SMS parce que des fois c'est pas évident pour traduire. On n'a pas entendu la question. Donc je la relis, inshallah. Ça saute? Je commente, hein. Salam alaikum. Donc, est-ce qu'Allah a deux mains droites ou une main droite et une main gauche? Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Les exégètes, les savants ont divergé sur ce point entre certains, hein, qui ont dit il a la main gauche se basant sur le Sahih Muslim. C'est ça le problème. Hein. Donc certains ont dit, puisque le hadith est dans Sahih Muslim, je dis il a la main gauche, mais la main gauche de Allah Azzawajal, hein, n'est pas comme la main gauche de nous, c'est-à-dire une main droite. Nous, on a la droite qui est forte, la main gauche qui est faible, pour le droitier. Et le gaucher, il a le contraire. Il a la main gauche qui est forte et la main droite qui est faible. Ils ont dit les deux mains sont pareilles pour Allah. C'est pour ça qu'il a dit « Wakil tayyede yamin » et toutes ses mains droites, toutes ses mains sont droites. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il a dit cela. Et d'autres savants, comme c'est le cas du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit que le hadith qui dit la main gauche, même s'il est dans Sahih Muslim, il shadd, c'est lorsque thiqa, lorsque le thiqa yukhalif biman huwa awthaq minhu, lorsque quelqu'un qui est fiable mais il dit quelque chose qui a été contrarié par quelqu'un qui est plus fiable que lui. Ils ont dit la même chose. Ici, le hadith est dans le musulman, mais l'autre hadith qui dit que il a seulement la droite, il se trouve dans Bukhari. Ils ont dit donc, on va dire de celui-là qu'il est faible. Donc l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, je crois que c'est plus le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est de dire que Allah Ta'ala a deux mains, mais ces deux mains sont la main droite. Ses deux mains sont droites, sont droites. Comme il a dit lui-même, il a dit wa qui t'a aidé. والله تعالى أعلم. تفضل البروشان. Karina ou Abdillah, à votre tour, Inch'Allah. Je vous ai retiré leur aide. Salam alaikum wa rahmatullah ya shir. Je ne sais pas si c'est un rapport à nous. Si s'il n'a pas la question, ça peut être difficile de répondre. Inch'Allah. Salam alaikum. Il y a du son, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah ya shaykh. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la aqida. Excusez-moi par avance, à vous d'y répondre ou non. C'est quoi la différence entre le tasbih, non, c'est le tashbih et le tamthil. Le tashbih et le tamthil. Barakallahu fikum. Tafaddal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Là, vous m'entendez? Parce que chez vous, il y avait beaucoup de mots. Si cette question n'est pas dans la Aqida, alors je ne vois pas c'est quoi la Aqida. Si cette question n'est pas dans la Aqida, alors dans ce cas, je ne vois pas alors ce qu'est la Aqida. Donc, en fait, il y a une différence entre le T. Des fois, certains savants emploient le premier pour dire le second et le second pour dire le premier. Il dit c'est la même chose, mais en fait entre quoi? Entre le tashbih et le tamthil. Et la différence entre eux, dire, je vais essayer de dire c'est quoi la différence. Le tashbih, c'est dans, disons, la plupart de la chose. Hein? Et le tamthil, c'est la ressemblance dans toute, de tous les côtés, si je puis dire. Regarde la différence. Quand je dis tashbih, je dis tashbih. Ça veut dire que je l'ai ressemblé dans beaucoup de côtés avec la chose. Mais si je dis tamthil, ça veut dire que je l'ai ressemblé de. Vous me direz si vous avez compris ou pas. Quand je dis X, je dis Omar ressemble à Mohamed. Il lui ressemble pas dans tous les côtés. Par exemple, il lui ressemble dans la façon de parler, il lui ressemble dans la façon de s'asseoir, il lui ressemble dans la colère, il lui ressemble dans certaines choses. Ça, c'est tishbih. Mais si je dis Omar est comme Mohamed, mitl, c'est plus le tishbih, c'est mitl, temthil. Omar est comme Mohamed, ça veut dire il est comme lui dans toutes les choses, dans tous les points. Voilà la différence entre les deux. Est-ce que c'est compris, inshallah ta'ala? Donc le tamthil, c'est plus fort, c'est la ressemblance dans tous les aspects, et le tashbih, c'est la ressemblance dans certains aspects, c'est tout. Est-ce que vous m'avez compris? J'attends votre réponse, inshallah. Alhamdulillah, barakallahu fik. On passe au suivant, inshallah ta'ala. Salam alaykoum. Oumou Mohamed wa Shaima, c'est à vous, inshallah. Donc, salam alaykoum, ya Sheikh. Qu'Allah vous préserve. Amin. Comment faire, Sheikh, pour que la peur que parfois on a d'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas une peur qui nous laisse pas bien dans notre nefs? Une peur qui veut presque nous bloquer. Comment faire, ya Sheikh, pour avoir de l'amour pour Allah Azza wa Jal? Barakallahu fikum, ya Sheikh. J'espère que vous. Et sinon, afwan. Tafaddal, Sheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Question? Naam. La peur d'Allah Azza wa Jal ne doit pas nous bloquer, justement. Car si elle va nous bloquer, elle va quoi? On va se sentir mal à l'aise, on va avoir le cœur qui n'est pas apaisé, on va, et ça va nous faire reculer. Ça va même nous faire fuir, subhanallah al-adim. Alors que Allah Ta'ala dit dans le Coran, fafiru ilallah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, fuyez vers moi. Remarquez que quand on a peur de quelqu'un, on fuit de lui. On fuit. Mais Allah Ta'ala, quand on a peur de lui, on doit fuir vers lui. Subhanallah al-Azim. Vous voyez la différence? C'est pour ça que il faut imaginer l'islam et l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, il faut l'imaginer comme disant un pigeon avec deux ailes. Car un pigeon avec une aile ne peut pas voler. Non. Une des ailes, c'est la peur d'Allah Azza wa Jalla, et l'autre aile, c'est l'espoir. Non. Al-Khawf wa Raja. Pour adorer Allah Azza wa Jalla, on doit l'adorer avec deux ailes. Une aile, c'est avoir peur de lui, et l'autre aile, c'est espérer. On a peur de lui pour ne pas faire le haram. J'ai peur, c'est pour ça que je ne fais pas le haram. Et l'autre, j'ai toujours l'espoir que quand je fais le haram et quand je m'oublie et quand je ne fais pas l'obligation comme il se doit, parce que c'est lui le miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est lui le grand pardonneur. Allah Ta'ala ne pardonne pas seulement le shirk, si je meurs mushrik, d'un grand shirk. Naam. C'est pour ça que ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec la peur seulement, ce sont les khawarij. Naam. Et ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec seulement l'espérance, Naam, ce sont les anadiqa. Naam. Allah Azza wa Jalla, on doit l'adorer tout en ayant peur, d'accord? Mais en espérant et toujours en ayant le cœur grand ouvert que il va nous rentrer au paradis, il va nous pardonner, il va nous donner ceci. Allah Ta'ala, c'est le miséricordieux. Allah Ta'ala, c'est celui qui aime ses créatures. Allah Ta'ala, c'est celui qui pardonne aux créatures qui se trompent. Et comme ça, non, il faut avoir les deux ailes pour être toujours au milieu et adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Wallahu azza wa jal a'lam. Non. Donc je dis à cette personne que elle doit lire les versets, les hadiths et les choses où il y a que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le grand pardonneur, c'est ceci, c'est cela. Naam, la rahma d'Allah azza wa jal. Tfadla, inshallah, le prochain. Salam alaykoum, Abu Hadaifa, 76100. Notre question, Inch'Allah. Abu Hadaifa, Abu Salman 1. Abu Hadaifa, Abu Salman 1. Salama 57. Tafadali. Salam alaykoum wa rahmatullah, Sheikh. On retrouve à plusieurs reprises dans le Coran que Shaytan dit: je vous désavoue, je crains Allah. Comment Shaytan désavoue les gens dans la dunya et il dit: je crains Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala est dur en punition. La crainte fait partie de l'adoration. Peut-on dire que Iblis adore Allah ta'ala? Barakallahu fikum. Tafaddal Sheikh, inshallah. Naam, salam alaykoum. Il y a du son. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. À plusieurs reprises dans le Coran que Shaytan dit: je vous désavoue, je crains Allah. Comment Shaytan désavoue les gens dans la dunya et il dit, donc Shaytan dit: je crains Allah. Et Allah est dur en punition. La crainte fait adore Allah Ta'ala. Et dans les cours, vous avez cité un verset qui commence par Qala man mana'aka ala tasjuda. Pouvez-vous nous donner les références? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت. الحمد لله. Pour le verset de Maman Akan Tasjud, il y a en fait deux versets. Naam. Il y a en fait deux versets. Le premier où il est dit Qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Celui-là il se trouve sourate Al-A'raf, verset 12. Sourate Al-A'raf, verset 12. Et il y a le verset d'aujourd'hui que j'ai cité, c'est où il est dit Qala ya iblis ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min alim. Celui-là, il se trouve dans sourate Sad. Sourate Sad, verset 75. En ce qui concerne ce qu'a dit la sœur, en ce qui concerne ce qu'a dit la sœur, comment se fait-il que Shaitan, d'un côté, il y a des gens, et de l'autre, il dira j'ai peur d'Allah Ta'ala, il dit que je me désavoue, etc. Non. Premièrement, il faut savoir que le shaitan va se désavouer le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution. Il va dire, moi, non, je n'ai jamais forcé quelqu'un à ce qu'il me suive. Je me désavoue de vous, seulement moi je vous ai dit de faire cette chose, vous l'avez faite. Non. Et en ce qui concerne sa peur, non, comment se fait-il la peur d'un côté et de l'autre, la peur, c'est une adoration. Et de l'autre, il n'adore pas Allah. La peur ne rentre pas dans l'adoration sauf s'il y a quoi? Sauf s'il y a soumission. Soumission, naam. Quand je me soumets pas à quelqu'un. Soumission. Même s'il y a soumission après la peur, ça ne rentre pas dans l'adoration jusqu'à ce qu'il y ait ta'zim. Ta'zim, c'est-à-dire, je sais pas comment on peut dire ça en français. Ta'zim, c'est-à-dire que je reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, azim wa mahabba et uhibbuhu. Uhibbuhu, c'est pour ça que naam, je me suis soumis à lui et que j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir peur de quelqu'un sans se soumettre à lui. Comment on peut avoir que peur de quelqu'un et je me soumets à lui, mais pas par peur. Naam, j'ai peur qu'il me frappe ou là me tue ou là me jette en prison. C'est pour cela. Naam. Sinon, je ne me soumets pas. Mais il faut se soumettre parce que j'ai peur et parce que j'aime Allah Ta'ala. C'est pour ça que naam, ça rentre dans l'adoration. Donc il a peur parce que il n'y a pas d'autre solution. On doit avoir peur de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal lui a parlé, il a menacé comme ça. Naam, il lui a parlé, il l'a menacé. Donc il a plus peur que nous. C'est une peur yani, naturelle. Qui Allah Ta'ala lui parle et n'aura pas peur de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est rentré dans l'adoration, ni qu'Allah Ta'ala va yani, accepter de lui, ni lui pardonner. Naam. Wallahu subhanahu azza wa jal a'lam. Est-ce que c'est compris ce que j'ai dit? Ou est-ce que c'est pas clair? Alhamdulillah. Ceux qui ont d'autres questions et qui même n'ont pas, ceux qui ont d'autres questions, même qui sont pas yani, en rapport avec la aqida, je répondrai demain, inshallah ta'ala, naam, pendant la soirée, pendant une heure ou deux, à vos questions, même qui n'ont pas rapport avec la aqida. Si jamais demain il y a un dars la nuit, des repères de la sunna, ou bien que je ne peux pas rentrer dans le patok, alors je vous donne rendez-vous après demain. Mais de préférence, c'est demain si je peux, inshallah, sinon c'est après demain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.